Ô terre, quelque chose me mange. J'ai le mal de l'infini, la nostalgie de l'éternel. Terre, ô terre, quelque chose me manque. C'est moi, l'astronaute en fugue nucléaire vers l'harmonie des sphères. Mon ascension supersonique vers le champ magnétique de la Voie lactée pourra bientôt commencer. J'ai toujours rêvé d'aller rencontrer les premiers atomes de l'univers, d'aller là où le grand boom a mis le monde au monde. Mon vaisseau spatial est capable de foudroyer le mur du son, et chacune de mes pensées est une fusée lancée vers cette paix finale de l'infini. Lorsque j'étais sur Terre, je rêvais que j'avais des ailes pour aller voler la lumière du ciel et allumer une étoile dans les yeux de tout ce qui regarde ici-bas. Ici haut, dans les ailes de cristal transparent et de carbone en fusion de mon oiseau spatial, je vibre au diapason de la lumière astrale, à l'unisson avec le cœur de la mer cosmique. Mais dans l'inconnu de cette immobile immensité, ma seule musique est le silence symphonique de la nuit, et mon regard est un trou noir qui me glace. Ici haut, le temps est sourd et muet, et maintenant, l'espace est aveugle. Chaque jour, j'avale une avalanche de vide interstellaire. À chaque seconde, mes cellules asphyxient de solitude universelle. À l'aventure dans le vide, j'ai vu avec les yeux infrarouges de mon ordinateur mégatronique, l'ultraviolet de l'avenir, à la dérive des galaxies. Et plus je m'éloigne de toi, ô Terre, plus je rougis de honte. Ma liberté est un leurre. Je me sens confiné comme les quarks dans la tombe, particules élémentaires d'une bombe à neutrons, espérant n'entrer en collision avec aucune forme de matière. Et j'avance vers partout à la fois. Mais dans mon âme, partout est nulle part. Terre, ô ma terre chérie. Le mystère des étoiles s'agrandit à la mesure de ma fuite, et malgré tous les simulacres de ta réalité projetés sur mon ordinateur, rien de tout ce qui vit ne m'est vraiment palpable. Terre, tu me manques. Malgré les merveilles qui me plongent dans l'extase, il me manque l'imparfait humain. Ici haut, je ne me décline qu'au futur incertain. J'appelle de si loin que seule ta troisième oreille, celle de ton cœur, peut encore m'entendre. Terre, ô terre, ma mère, dois-je couper le cordon ombilical qui me relie à toi? Dans quelques heures, aucune autre communication ne sera possible que par la pensée télépathique, et peu pourront garder le contact. Terre, es-tu encore en guerre? Rêves-tu encore de paix? Seras-tu encore vivante à mon retour? Ici haut, j'ai cherché en vain le son de la source, et celui d'une marée d'oies blanches qui fait valser le bleu du ciel. Il ne me reste plus pour faire danser les étoiles qu'un petit harmonica dont chaque note est un appel au secours. Assoiffé de tendresse, je glisse vers toi, planète bleue aux vertes prairies, où le vent invente des vertiges dans les blés d'or et dans les vagues d'eau salée. Terre, ô terre, je reviens. Je reviens respirer une bouffée d'air frais sur le sommet fleuri de tes montagnes et boire une gorgée d'eau pure à la source de ta réalité. Car mon rêve commence et finit là où une fleur fleurit. Je reviens avec un peu de vent solaire dans la voix. Cueillir le feu des étoiles dans les yeux de l'amour. Je reviens donner à mon oiseau de cristal une mélodie humaine, parce que la vie voyage en toi. Ô terre, tu es mon seul véritable vaisseau spatial, et je reviens t'inonder de la paix des étoiles. Thank you.